La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi, championnat du monde de pédalo, jeux gonflables, hommage aux Beatles, et dimanche, championnat régional de motocross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et Geno Music. Cet été, bien disjoncté à des biens, ville de l'extrême. Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets Chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs des régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets Chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. Il a vécu probablement l'un des meilleurs moments de toute sa vie hier. Charles Dubé-Bray, qu'on a eu comme collaborateur évidemment durant les séries de la NBA avec Pascal Jobin. Ben, hier, on l'a vu dans la parade, on l'a vu dans les parades à Toronto. Question de savoir un peu 24 heures après, parce que ça fait seulement 24 heures, on lui passe les Charles. Salut, Danny. Charles, est-ce que je me trompe à dire que c'est l'un des plus beaux moments de ta vie? Ben oui, c'est un moment vraiment particulier. À tout le monde niveau sportif, c'est pas vraiment ce que j'ai vécu de plus gros. Ça se compare pas forcément à ce que tu vis sur le plan personnel quand t'as la naissance de tes enfants ou des choses comme ça, mais disons que sur le point de vue professionnel et sportif, c'est effectivement dur à battre ce qu'on a vécu hier. C'est que ça fait quand on a dans les mains le trophée Larry O'Brien? Tu te rappelles toutes les fois que tu l'as vu dans les mains de Michael Jordan, puis de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, tous les grands qui l'ont eu. Puis tu te dis que c'est une espèce de je dirais même pas un rêve, parce que tu t'imagines pas qu'un jour nécessairement t'arriverais là. Tu rêves de peut-être toucher à la NBA un jour. Tu penses pas nécessairement en être le champion ou de faire partie de l'organisation qui est championne. Fait que tu réalises que c'est un moment très très privilégié. Que très peu de chances ont la chance de vivre ça. Il y a des grands, moi c'est ça que je pensais hier, il y a des très grands joueurs de l'histoire de la Ligue qui ont pas eu la chance de mettre la main dessus. Des John Stockton, Karl Malone, Charles Barkley, Patrick Ewing, plein de joueurs comme ça qui ont jamais mis la main dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de privilégié de pouvoir l'avoir. Charles, il y avait quoi? On dit 2 millions et demi de personnes. Il y a eu vraiment un incident majeur, mais dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. Toi, t'étais sur le stage ou t'étais proche du stage, que ça s'est passé. Voir une foule de 2 millions de personnes, ça doit être très impressionnant, ça doit être très épatant. Oui, quand on remontait les rues, tu sais, déjà même au début, la parade devait durer 2 heures, elle en a duré 5 parce qu'on était incapable de passer dans les rues tellement il y avait du monde, ça allait écarter tout le monde à chaque fois, puis ça fait que ça a presque triplé le temps que ça devait prendre. On était sur le boulevard Lakeshore, puis on pensait déjà que c'était fou, puis on n'était même pas encore rendu sur l'avenue York quand on a tourné là, puis que là on a vu qu'il y avait encore à peu près 10 fois plus de monde sur l'avenue York qu'il y en avait sur Lakeshore, donc c'était même presque surréel, puis le bruit qu'il y avait, la clameur populaire qui était l'équivalent d'être, je sais pas, dans une salle de sport, quand le bruit qu'il y a quand quelqu'un met le panier de la victoire ou le but gagnant, ou je sais pas, cette espèce de clameur-là tellement forte, mais qui est constante pendant 5 heures, parce que les gens, ils te voient arriver, ils voient le défilé qui passe, puis là, ils sont en extase totale, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dur à répliquer dans une ville. T'étais dans quel convoi, toi? Dans le deuxième autobus. T'étais avec le personnel, j'imagine, c'est ça? Il y avait 5 bus, il y avait 3 joueurs sur chacun des autobus, puis le staff réparti sur les cinq bus. Donc moi j'étais sur le bus avec Danny Green, Norman Powell, Chris Boucher, à la toute fin du bus, juste en avant de Kyle Lowry, puis le trophée là, qui était à l'avant du troisième bus. OK. Charles, si on parlait un peu de tu penses-tu que le fait que le Canada, puisque la dernière conquête d'une équipe canadienne, c'était les Blue Jays en 93, mais moi j'ai inclus les Toronto FC, là. Moi je l'inclus là-dedans, mais ça a un lien particulier. 2,5 millions de personnes, c'est vraiment extraordinaire, là, mais ça fait longtemps que le Canada n'avait pas remporté un championnat dans les sports majeurs. Ça, de réunir 2,5 millions de personnes, ça a-tu un lien? Ben oui, forcément. C'est un pays au complet aussi derrière une équipe. Si demain matin, les Flames de Calgary gagnaient une Coupe Stanley, ça va célébrer à Calgary, mais ça ne célébrera pas à Edmonton ou à Toronto ou à Montréal. Là, c'est un cas unique où tu as une seule équipe qui représente le pays au complet. Donc forcément, ça a célébré partout à travers le pays. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus de loin aussi pour voir le défilé hier. Tu parlais du Toronto FC, je pense pas que c'est comparable parce que forcément la MLS c'est même pas une des cinq meilleures ligues au monde là, tu sais, c'est quand on parle c'est pas parce que c'est pas contre le soccer en lui-même, moi-même j'adore le soccer, c'est vraiment mon sport préféré après le basket, mais quand on parle des grands sports nord-américains, c'est par le fait que la ligue qui est ici en Amérique du Nord, c'est la meilleure au monde dans le sport en question. Donc au soccer, même si le soccer est en popularité grandissante, je veux dire le niveau de la MLS est quand même loin d'être comparable à ce qu'ils ont en Premier League ou en Liga en Espagne ou en Allemagne, en Bundesliga en Allemagne. Donc forcément, de gagner cette ligue-là, ça, je veux dire, je pense qu'il y a probablement autant de gens à Toronto qui doivent suivre plus, même peut-être le Manchester United ou le Real Madrid ou le FC Barcelone que le Toronto FC en lui-même. Donc, c'est vraiment très, très différent. Puis ici, je pense que le championnat vraiment, là, qui était le dernier à avoir pu peut-être avoir quelque chose de comparable, c'est les Blue Jays, comme tu dis, en 1993. OK. Si t'as vu Kawhi un peu, comment il s'est senti, t'as vu tout ça, t'as vécu là-bas, ton petit feeling personnel, est-ce que Kawhi va rester à Toronto? Ton feeling personnel? Personne n'a vraiment de feeling personnel, je veux dire, parce que c'est assez mystérieux. C'est quelqu'un d'assez mystérieux, du fait qu'il laisse pas ses émotions vraiment couler en public. Il veut se tenir volontairement loin de tout ça. Donc c'est dur de lire quoi que ce soit à travers ses émotions. Donc on sait pas ce qu'il recherche. Je pense que seulement lui le sait, puis peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, lui-même est peut-être à 50-50. On n'en sait rien. Je pense que quand il est arrivé à Toronto, il est peut-être arrivé avec l'idée qu'il voulait s'en aller en Californie quand il y aurait la chance, mais après ce qu'il vient de vivre cette année, est-ce que le compétiteur en lui se dit pas, ben peut-être que je pourrais re-signer un contrat court? Moi, mon espérance, c'est que peut-être qu'il signe le contrat de 2 ans, parce qu'il pourrait toucher encore plus d'argent s'il était agent libre en 2021. Donc, de signer un contrat à long terme maintenant, c'est sûr que ça peut... Peut-être aussi les blessures de Kevin Durant et Klay Thompson peuvent lui le faire pencher dans le sens du contrat à long terme, parce qu'on sait jamais quand une grosse blessure peut arriver puis te coûter très cher comme athlète. Mais s'il est assez confiant en ses capacités physiques pour penser que peut-être ça lui arrivera pas, ben pourquoi pas signer un contrat de 2 ans et pourquoi pas le faire avec Toronto, justement pour continuer avec le groupe qui sera entièrement pratiquement de retour l'année prochaine avec Ibaka, Gasol, Lowry, Siakam, etc. Puis ça l'empêche pas de peut-être se commettre seulement pour 2 ans puis de toucher encore plus d'argent et de refaire une décision peut-être plus éclairée pour lui dans 2 ans. Donc c'est l'espérance, je pense que et j'entends sur les différents sites internet d'experts, on entend parler un peu plus de cette option-là maintenant. Donc à espérer que ce qu'il a vécu hier peut-être fasse la différence dans la balance puis le garde à Toronto. Ce qu'on lit, ce qu'on dit sur les médias sociaux, c'est maintenant une lutte entre les Clippers et les Raptors. Ce qu'on dit là. Ça c'est ce qu'on dit depuis un an. Après. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a pas, peut-être à part les Lakers qui sont à Los Angeles aussi, il n'y a pas vraiment de rumeurs qui aillent ailleurs. Maintenant, c'est la durée du contrat, c'est ça la réflexion aussi, parce qu'il peut signer pour 5 ans à Toronto, il peut signer pour 4 à l'extérieur, il laisserait probablement pas loin de 40-50 millions de dollars sur la table s'il faisait ça, mais lui aussi éligible à une plus grosse valorisation salariale après sa 10e année d'expérience en NBA. Donc là, il est à 8 ans, donc voilà son potentiel de rémunération après 8 ans en 2019 là est pas le même que dans 2 ans. Donc ça n'avait pas été mentionné beaucoup, mais maintenant j'ai vu des experts NBA qui commençaient à en parler, donc en espérant que eux en savent plus que moi là-dessus, puis que c'est eux qui ont raison. Charles, en terminant, il se passe quoi avec toi là, à partir de maintenant là? T'es encore à Toronto, j'imagine, tu décantes un peu, il va y avoir plusieurs, toi ça va être un petit peu moins que certains médias, mais je sais que Chris Boucher veut amener le trophée Larry O'Brien au Québec, est-ce que toi tu peux le faire, ou c'est rien que les joueurs, ou c'est que comment ça... Je pense que c'est que les joueurs qui peuvent faire ce qu'ils veulent un peu avec le trophée, tant mieux si Chris l'amène à Montréal, c'est une nouvelle, mais je pense que juste eux qui peuvent décider ce qu'ils font avec le trophée. Ok, est-ce que, donc il se passe quoi avec toi là, à partir de maintenant, est-ce que la Ligue d'été, parce que la dernière fois, ça, je pense qu'on s'en était parlé en dehors des ondes, la Ligue d'été va commencer autour du 5 juillet, est-ce que tu as eu la confirmation que tu vas participer à la Ligue d'été comme entraîneur? On n'a pas approché encore, il n'y a pas eu de discussion sur quoi que ce soit, je pense que ça va commencer à peu près maintenant, là, la planification estivale de tout le programme estival des Raptors, les différents camps d'entraînement qu'il y a au mois de juillet, au mois d'août, avant le camp d'entraînement officiel. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour les Raptors. En général, t'as un mois et demi pratiquement pour mettre toutes ces choses-là en place avant que la Summer League commence. Là, il va y avoir un sprint aujourd'hui, demain, jeudi, pour le repêchage de jeudi soir. Et puis, je pense qu'assez rapidement après ça, on devrait être fixé sur qui fait quoi cet été. Je pense qu'il y a des chances que je sois à la Summer League avec eux comme l'année dernière, mais on n'a pas eu personne dans le staff a eu des confirmations officielles sur qui va où, qui fait quoi. Donc ça, je pense que ça va venir peut-être dans les 10 prochains jours ou quelque chose comme ça. La Summer League, c'est une dernière question, c'est très important pour on voit les matchs à NBA TV, là, on les voit toutes. C'est très important pour les équipes. C'est là qu'on voit le recrutement. C'est un genre de pré-camp. C'est ça, je me trompe en disant ça? Oui. Non, c'est un élément important. C'est une progression, je dirais, la Summer League, c'est le premier jet un peu avec les recrues, les gars qui ont été repêchés. Ouais. Des fois aussi, il y a des joueurs justement qu'on essaie de qui ont été recrutés pendant toute l'année, qui ont été suivis dans des ligues en Europe, tout ça, des professionnels qui ont encore 23, 24, 25 ans. Je veux dire, Jordan Lloyd était un de ces joueurs-là. Malcolm Miller, qui est sur le roster des Raptors, et a joué une année en Europe aussi. Donc, c'est des joueurs comme ça qui, eux, forcément, vont bien performer en Europe, puis après vont participer à ce qu'on appelle des free agent camps, comme presque toutes les équipes en ont. Donc, des camps de joueurs autonomes, où là, peut-être, à partir de certaines choses qu'on voit, on peut offrir une place sur notre équipe de Ligue d'été pour pouvoir les évaluer encore plus. Donc, c'est un processus d'évaluation en plusieurs étapes. Puis, je dirais que la Summer League, c'est l'étape après le repêchage et les camps de joueurs autonomes pour ensuite peut-être faire une détermination de à qui on peut donner des contrats, qui est-ce qu'on peut inviter au camp d'entraînement, qui est-ce qu'on peut éventuellement, parce qu'il y a beaucoup de gradations à NBA. T'as des contrats dans les équipes NBA, mais t'as les two-way contracts aussi. T'as les joueurs qui ont les contrats qu'on appelle Exhibit 10, c'est-à-dire ceux qui sont garantis d'être au camp d'entraînement, puis s'ils sont coupés, qu'ils vont en G-League, ils vont toucher 50 000 $ en plus. Donc c'est pas un contrat de G-League. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux dans la hiérarchie. Puis la Summer League, c'est un des outils que les équipes utilisent pour évaluer où est-ce qu'un joueur peut se situer. Est-ce qu'on lui donne un two-way? Est-ce qu'on lui donne un Exhibit 10? Est-ce qu'on l'invite au camp de la G-League? Est-ce qu'on fait rien du tout? Donc, c'est beaucoup là que ça va se déterminer. Okay. Charles, très intéressant. On va s'en reparler l'an prochain quand les Raptors 905 seront là. Donc, on va s'en reparler au moins une fois durant l'année. Oui, pas de problème. Charles Dubé-Bray, le directeur adjoint des Raptors 905.